Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, sixième chapitre, deuxième paragraphe, section deuxième, imitation de Marie dans sa patience, et sa conformité à la volonté de Dieu. Toute la perfection de la créature raisonnable consiste dans la conformité de sa volonté à celle de Dieu, la bonté et la perfection par essence, la règle absolue de toute vertu et de toute sainteté. Plus notre volonté ressemble à celle-là, plus elle est parfaite, et elle s'éloigne d'autant plus de la perfection, qu'elle s'écarte davantage de cette ressemblance. L'homme fut créé de Dieu et doué du libre arbitre afin qu'aider de la grâce, il put, par un choix volontaire, se conformer en tout et partout à la volonté souveraine dont il dépend. Cette conformité libre et volontaire à tout ce que Dieu veut n'aurait rien ou presque rien coûté à l'homme, s'il avait persévéré dans l'état de justice originelle, tout en lui tendait naturellement à cette fin. La volonté était soumise à Dieu, les passions à la raison, les choses sensibles à l'homme, qu'elle regardait pour leur souverain légitime. Il n'en est plus de même à présent. L'homme, déchu de cet heureux état par la rébellion de sa volonté contre Dieu, a vu disparaître le bel ordre qui régnait auparavant. Les autres créatures se sont révoltées contre l'homme. La guerre s'est allumée dans le sein même de l'homme, par la révolte des passions contre la raison, et nous sommes dans un état de lutte continuelle qui ne souffre point de trêve. Il faut combattre, ou périr. Aussi l'Esprit Saint représente-t-il la vie humaine sous l'image d'un combat, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Job 7, 1. L'homme qui vient au monde naît pour le travail, et malheur à celui qui refuse de se soumettre aux lois de cette guerre. Ibidem 5, 7. Celui-là doit nécessairement être vaincu et réduit en esclavage, tandis qu'au contraire ceux qui combattront courageusement remporteront le prix qui n'est promis qu'à celui qui aura combattu selon la loi. Et certes le prix nous dédommagera avantageusement des fatigues de la lutte. Ranimons donc notre courage à la vue de la récompense, le travail est court, la récompense est éternelle. Contemplons Marie qui s'établit, après Jésus, notre chef dans le combat, combattons à sa suite, suivons la discipline qu'elle a elle-même observée. Quoique Marie, étant exempte du péché originel, n'eût pas été sujette à cette lutte intérieure que nous éprouvons par suite de la rébellion de l'appétit sensitif contre la raison. Néanmoins elle ne laissa pas d'éprouver des afflictions nombreuses et accablantes, provenant de causes extérieures. Ces afflictions furent telles qu'elles suffirent pour faire de sa vie un martyr continuel, en sorte que l'Église l'appelle reine des martyrs, comme étant celle qui les a tous précédés dans le chemin des souffrances, et qui, si l'on excepte son divin Fils Jésus, en a enduré plus que tous les autres sur la terre. Quand Marie n'aurait eu d'autres afflictions que celles qu'elle dut éprouver au sujet de la passion de son divin Fils, n'était-ce pas assez pour qu'elle souffrit un continuel martyr? Je dis un continuel martyr, car n'allons pas croire qu'il ne dura que le court espace du crucifiement, non, il dura à peu près toute sa vie. Le prophète royal semble décrire les amertumes de cette fille de Sion, quand il dit « Ma vie s'est consumée par la douleur, et mes années se sont écoulées dans les gémissements, Psaume 30, 11, il ne pouvait en être autrement surtout depuis le moment de la prophétie de Siméon, alors qu'il lui fut dit, ce fils, c'est-à-dire Jésus, a été mis au monde pour être en butte à la contradiction, et votre âme, ô divine mère, sera transpercée d'un glaive de douleur, Luc 2, 34. Qui jamais pourrait se figurer quelle impression ces paroles firent sur l'esprit de la très sainte Vierge. Jésus lui-même dit un jour à sainte Thérèse, qui se plaignait au milieu des peines dont elle était accablée, « Ma fille, pourquoi vous plaignez-vous? Sachez que je vous traite comme j'ai traité mes plus chers serviteurs et spécialement ma très chère mère. » Depuis la prophétie de Siméon jusqu'à sa mort, toute sa vie se passa dans un martyre continuel. Marie dut avoir constamment devant les yeux les traitements cruels que Jésus avait à souffrir. Outre la prophétie de Siméon, elle possédait les saintes écritures dont elle avait une parfaite intelligence, et dans lesquelles elle voyait décrite avec les plus vives couleurs toute l'histoire de la douloureuse passion de son bien-aimé fils. Je laisse à penser quelle impression toutes ces circonstances durent produire sur le cœur très aimant de Marie. Pour connaître son affliction et sa douleur, il faudrait comprendre l'étendue de l'amour qu'elle portait à Jésus. Mais qui pourrait le comprendre? Confère Saint Bonaventure. Jamais, dit Saint Bernard, jamais il n'y eut une douleur plus amère que celle de Marie, parce que jamais il n'y eut un fils plus aimable et plus cher que celui de Marie. Plus son amour fut tendre, plus sa douleur fut profonde, dit Saint Laurent Justinien. Qu'on ajoute à tout cela les tribulations auxquelles la divine providence voulut que Marie fût sujette, être réduite, à raison de sa pauvreté, à se voir rebutée de tout le monde, et contrainte de se mettre à couvert dans une étable, pour y donner le jour à celui qui devait éclairer tous les hommes, voir l'enfant Dieu frissonner sur un peu de paille, pleurer au milieu des animaux, être obligée de fuir dans un pays étranger pour se dérober à la persécution qui s'éleva contre Jésus à peine né, être condamné à voir les mauvais traitements que Jésus recevait de la cruelle nation des Juifs, à laquelle il ne se lassait pas de faire du bien, enfin être réduite à le voir saisi, lié comme un infâme malfaiteur, et crucifié sur l'arbre douloureux de la croix. L'assemblage de tous ces événements formait pour Marie un océan d'amertume et d'affliction, en sorte qu'on peut bien lui appliquer ces paroles de Jérémie à la fille de Sion. Votre douleur est grande comme la mer, Lamentations 2, 13. Que nul ne croit que Marie, au milieu de ses adversités, se soit écartée en un seul point de la conformité à la volonté divine. Non, elle fut toujours pleinement, entièrement soumise à la volonté du Père Céleste. Elle devait dire aussi bien que Jésus, « Oui, mon Père, cela est ainsi, parce que vous l'avez voulu, Matthieu 11, 26. Qu'il en soit, non comme je le veux, mais comme vous le voulez, Ibidem 26, 39. » Au temps de la Passion, elle se tint au pied de la croix, offrant en sacrifice d'expiation pour nos péchés, de concert avec son divin Fils Jésus, le sang de ce bien-aimé Fils, ce sang puisé dans ses entrailles. Elle se tenait debout et immobile auprès de la croix, imperturbable comme un rocher qui sent bien les coups de vent furieux qui battent ses flancs, mais n'en demeure pas moins immuable. Je resterai ferme comme un roc, dit Saint Bonaventure. Sa résignation était si entière, qu'elle eût été prête, ainsi que le disent de savants auteurs, à exécuter elle-même le grand sacrifice de la vie de son divin Fils, et, comme un autre Abraham, à immoler sur la montagne l'innocente victime. La volonté de Marie était fixée en Dieu par une union si intime et si amoureuse, qu'il lui avait lieu de croire qu'elle n'avait plus avec lui qu'une seule et même volonté, en sorte que Marie ne pouvait s'empêcher de vouloir tout ce que Dieu voulait. Oh que cette vertu nous serait nécessaire, à nous, enfants de Marie, que nous serions bientôt saints, si notre volonté était unie à celle de Dieu, la règle de toute sainteté. C'est en cela proprement que consiste notre perfection, et hors de là, nous ne pouvons la trouver. Mais l'avons-nous cette conformité, à que nous en sommes éloignés? La moindre chose nous contrarie, quoique tout ce que Dieu nous commande et veut que nous souffrions soit facile et léger, en comparaison de ce que souffrit Marie, à tout instant nous faisons entendre nos murmures et nos plaintes. Quelquefois même nous disons peut-être ouvertement, « Non, je ne me soumettrai pas à Dieu ». Nous croyons après cela faire une grande chose, quand nous tâchons d'attirer la volonté de Dieu à se conformer à la nôtre, sans nous mettre en peine de régler la nôtre sur la sienne. Mais prenez-y garde, dit saint Augustin, vous devez corriger votre volonté en tâchant de la régler sur celle de Dieu, et non pas prétendre corriger la volonté de Dieu en l'ajustant à la vôtre. Mais comment nous prétendons-nous capables de corriger Dieu même, et de savoir mieux que lui ce qui nous est avantageux? C'est au médecin et non au malade, dit saint Augustin, qu'il appartient de juger quels sont les remèdes qu'exige la maladie. Nous voulons nous raidir contre Dieu, nous voulons que bon gré ou de force il cède à nos caprices, nous nous plaignons, quand il ne nous exauce pas. Mais ne savons-nous pas que refuser de nous exaucer en certaines circonstances est de sa part un acte de miséricorde, tandis que nous exaucer serait un acte de sévère justice? Prenons garde que Dieu ne soit forcé de nous accorder dans sa colère, ce qu'il nous refuserait dans sa bonté. Vous lui avez demandé la santé, la fortune, les richesses, les honneurs, les emplois, les dignités, et, à force de demander, vous avez en quelque sorte obligé Dieu de vous accorder l'objet de vos demandes. Eh bien, êtes-vous content maintenant? Votre cœur a-t-il trouvé le repos? N'avez-vous plus rien à désirer? Ah, le cœur de l'homme ne peut être satisfait avec des biens aussi fragiles, ils peuvent bien enfler votre cœur, mais jamais remplir l'immense étendue de ses désirs. Vous êtes plus inquiet, plus agité qu'auparavant. Oh, vous eussiez trouvé bien plus de paix, si vous aviez su vivre soumis à Dieu. Apprenez-le par votre propre expérience, écoutez l'Esprit Saint qui vous y invite. Acquiescez enfin à la volonté de Dieu, et vous aurez la paix. Job 22, 21. C'est quelque chose de grand et de beau que de vivre obéissant et soumis à la volonté de Dieu dans tous les événements, Ecclésiastique 46, 12. C'est là ce qui place l'homme dans un état de tranquillité imperturbable, c'est là ce qui lui fait dire avec confiance, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Sera-ce la faim, ou la soif, ou les tribulations, ou la mort? Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les futures, que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour, de la charité de Dieu qui est fondée en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 8, 31. Heureuses les âmes qui peuvent parler de la sorte avec l'apôtre, mais auparavant il faut avoir dit avec lui Seigneur, me voici, que, voulez-vous que je fasse? Ou bien il faut avoir dit plus généreusement encore avec Marie, « Voici, Seigneur, votre serviteur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Une âme ainsi établie en Dieu, au moyen d'une entière soumission à sa divine volonté, ne pourra jamais, quelques adversités qu'il lui arrive, se voir ravir la paix et la sérénité de l'esprit et du cœur. Proverbe 12, 21. L'abondance des eaux de la tribulation n'éteindront pas sa charité, non plus que celle de Marie, et les torrents les plus impétueux ne pourront même pas l'ébranler. Markandanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.